dans tout côté, les boutonnés. Mets sur les gos devant, sur les gos derrière. Les tournés, les tournés. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tournés, les tournés. Mets sur les gos devant, sur les gos derrière. Les tournés, les tournés. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tournés, les tournés. Sur les côtes derrière, les tournées, les tournées.